On y marchait et on y trébuchait sur de vieilles femmes à genoux, qui y marmottaient leurs patenôtres, impossible de rien distinguer devant soi. Lorsqu'à force de tâtonner, pourtant, dans cet infernal mélange d'obscurité et de carcasses de vieilles dévotes en prière, ma main rattrapa mon ménil, qui filait déjà le long de la contre-allée. Mais croirez-vous bien qu'il ne voulut jamais me dire ce qu'il était venu faire dans cette galère d'église? Voilà pourquoi je vous le dénonce, aujourd'hui, messieurs, pour que vous le forciez à s'expliquer. « Allons, parle, Ménil, justifie-toi. Réponds à Rancenet, » cria-t-on de tous les coins de la salle. « Me justifier, » dit Ménil gaiement, « je n'ai pas à me justifier de faire ce qui me plaît. » Vous qui clabaudez à cœur de journée contre l'Inquisition, est-ce que vous êtes des inquisiteurs en sens inverse à présent? Je suis entré dans l'église dimanche soir parce que cela m'a plu. Et pourquoi cela t'a-t-il plu? Fit Maud Travers. Car si le diable est logicien, un capitaine de cuirassier peut bien l'être aussi. Ah voilà, dit Ménilgrand en riant. J'y allais, qui sait? Peut-être à confesse. J'ai du moins fait ouvrir la porte d'un confessionnal. Mais tu ne peux pas dire, Rancenet, que ma confession est trop durée. Il voyait bien qu'il se jouait d'eux. Mais il y avait dans cette jouerie quelque chose de mystérieux qui les agaçait. Ta confession, 1 000 000 000 de flammes. Ton plongeon sera donc fait, dit tristement Rancenet, terrassé, qui prenait la chose au tragique. Puis, se rejetant devant sa pensée et se renversant comme un cheval cabré. Mais non, cria-t-il. Tonnerre de tonnerre, c'est impossible. Voyez-vous, vous autres, le chef d'escadron Ménilgrand, à confesse, comme une vieille bonne femme, à deux genoux sur le strapontin, le nez au guichet dans la guérite d'un prêtre? Voilà un spectacle qui ne m'entrera jamais dans le crâne. 30 000 balles plutôt. Tu es bien bon, je te remercie, fit Ménilgrand, avec une douceur comique, la douceur d'un agneau. Parlons sérieusement, dit Montravers. Je suis comme Rancenet. Je ne croirai jamais à une capucinade d'un homme de ton calibre, mon brave Ménil. Même à l'heure de la mort, les gens comme toi ne font pas un saut de grenouille effrayé dans un baquet d'eau bénite. À l'heure de la mort, je ne sais pas ce que vous ferez, messieurs, répondit lentement Ménilgrand. Mais quant à moi, avant de partir pour l'autre monde, je veux faire à tout risque mon porte-manteau. Et ce mot d'officier de cavalerie fut si gravement dit qu'il y eut un silence, comme celui du pistolet qui tirait, il n'y a qu'une minute et tapageait, et dont la détente a cassé. Laissons cela, du reste, continua Ménilgrand. Vous êtes à ce qu'il paraît encore plus abruti que moi par la guerre et par la vie que nous avons menée tous. Je n'ai rien à dire à l'incrédulité de vos âmes, mais puisque toi, Rancenet, tu tiens à toute force à savoir pourquoi ton camarade Ménilgrand, que tu crois aussi athée que toi, est entré l'autre soir à l'église, je veux bien et je vais te le dire. Il y a une histoire là-dessous. Quand elle sera dite, tu comprendras peut-être, mais sans croire à Dieu, qu'il soit entré. » Il fit une pause, comme pour donner plus de solennité à ce qu'il allait raconter, puis il reprit. « Tu parlais de l'Espagne, Rancenet. C'est justement en Espagne que mon histoire s'est passée. » Plusieurs d'entre vous y ont fait la guerre fatale qui, dès 1808, commença le désastre de l'Empire et tous nos malheurs. Ceux qui l'ont faite, cette guerre-là, ne l'ont pas oubliée. Et toi, par parenthèse, moins que personne, commandant ces lunes. Tu en as le souvenir gravé assez avant sur la figure pour que tu ne puisses pas l'effacer. Le commandant ces lunes, assis auprès du vieux monsieur de Ménilgrand, faisait face à Ménil. C'était un homme d'une forte stature militaire et qui méritait de s'appeler le Balafré, encore plus que le duc de Guise, car il avait reçu en Espagne, dans une affaire d'avant-poste, un immense coup de sabre courbe, si bien appliqué sur sa figure qu'elle en avait été fendue, nez et tout, en écharpe, de la tempe gauche jusqu'au-dessous de l'oreille droite. À l'état normal, ce n'aurait été qu'une terrible blessure, d'un assez noble effet sur le visage d'un soldat. Mais le chirurgien, qui avait rapproché les lèvres de cette plaie béante, pressée ou maladroit, les avait mal rejointes, et à la guerre comme à la guerre. On était en marche, et pour en finir plus vite, il avait coupé avec des ciseaux le bourrelet de chair, qui débordait de deux doigts l'un des côtés de la plaie fermée. Ce qui fit, non pas un sillon dans le visage de Célune, mais un épouvantable ravin. C'était horrible, mais après tout, grandiose. Quand le sang montait au visage de Célune, qui était violent, la blessure rougissait, et c'était comme un large ruban rouge qui lui traversait sa face bronzée. « Tu portes, lui disait Ménil, au jour de leurs communes ambitions, ta croix de grand officier de la Légion d'honneur sur la figure, avant de l'avoir sur la poitrine. Mais sois tranquille, elle y descendra. » Elle n'y était pas descendue. L'Empire avait fini avant. Célune n'était que chevalier. « Eh bien, messieurs, continua Ménilgrand, nous avons vu des choses bien atroces en Espagne, n'est-ce pas ? Et même, nous en avons fait. mais je ne crois pas avoir vu rien de plus abominable que ce que je vais avoir l'honneur de vous raconter. Pour mon compte, dit nonchalamment Céline, avec la fatuité d'un vieil endurci qui n'entend pas qu'on l'émeuve de rien, pour mon compte, j'ai vu un jour 80 religieuses jetées l'une sur l'autre, à moitié mortes dans un puits, après avoir été préalablement très bien violées chacune par 2 escadrons. Brutalité de soldat, fit Ménil Grand froidement, mais voici du raffinement d'officier. Il trempa sa lèvre dans son verre et son regard cerclant la table et l'étreignant. « Y a-t-il quelqu'un d'entre vous, messieurs, demanda-t-il, qui ait connu le major Ido ?» Personne ne répondit, excepté Rancenet. « Il y a moi, dit-il, le major Ido, si je l'ai connu. Eh, parbleu, il était avec moi au 8e dragon. »« Puisque tu l'as connu, reprit Ménilgrand, tu ne l'as pas connu seul. Il était arrivé au 8e dragon, arboré d'une femme. »« La Rosalba, dit la Pudica, fit Rancenet, sa fameuse. » Et il dit le mot crûment. « Oui, répartit Ménilgrand pensivement. » Car une pareille femme ne méritait pas le nom de maîtresse, même de celle d'Ido. Le major l'avait amené d'Italie, où, avant de venir en Espagne, il servait dans un corps de réserve, avec le grade de capitaine. Comme il n'y a ici que toi, Rancenet, qui l'ai connu, ce major Ido, tu me permettras bien de le présenter à ces messieurs, et de leur donner une idée de ce diable d'homme, dont l'arrivée au 8e dragon tapagea beaucoup quand il y entra, avec cette femme en sautoir. Il n'était pas français à ce qu'il paraît. Ce n'est pas tant pis pour la France. Il était né je ne sais où, et de je ne sais qui, en Illyrie ou en Bohême, je ne suis pas bien sûr. Mais où qu'il fût né, il était étrange, ce qui est une manière d'être étranger partout. On l'aurait cru le produit d'un mélange de plusieurs races. Il disait, lui, qu'il fallait prononcer son nom à la grecque, pour Ido, parce qu'il était d'origine grecque. Et sa beauté l'aurait fait croire, car il était beau et le diable m'emporte, peut-être trop pour un soldat. Qui sait si on ne tient pas moins à se faire casser la figure quand on l'a aussi belle. On a pour soi le respect qu'on a pour les chefs d'œuvre. Tout chef d'œuvre qu'il fût, cependant, il allait au feu avec les autres. Mais quand on avait dit cela du major Ido, on avait tout dit. Il faisait son devoir, mais il ne faisait jamais plus que son devoir. Il n'avait pas ce que l'empereur appelait le feu sacré. Malgré sa beauté, dont je convenais très bien d'ailleurs, je lui trouvais au fond une mauvaise figure, sous ses traits superbes. Depuis que j'ai traîné dans les musées, où vous n'allez jamais, vous autres, j'ai rencontré la ressemblance du major Ido. Je l'ai rencontrée très frappante, dans un des bustes d'Antinous. Tenez, de celui-là, auquel le caprice ou le mauvais goût du sculpteur a incrusté 2 émeraudes dans le marbre de prunelle. Au lieu de marbre blanc, les yeux verts de mer du major éclairaient un teint chaudement olivâtre et un angle facial irréprochable. Mais dans la lueur de ces mélancoliques étoiles du soir, qui étaient ses yeux, ce qui dormait si voluptueusement, ce n'était pas Endymion, c'était un tigre. Et un jour, je l'ai vu s'éveiller. Le major Ido était en même temps brun et blond. Ses cheveux bouclaient très noirs et très serrés autour d'un front petit, aux tempes renflées, tandis que sa longue et soyeuse moustache avait le blond fauve et presque jaune de la martre zibeline. Signe, dit-on, de trahison ou de perfidie, qu'une chevelure et une barbe de couleurs différentes. Traître, le major l'aurait peut-être été plus tard. Il eût peut-être, comme tant d'autres, trahi l'empereur, mais il ne devait pas en avoir le temps. Quand il vint au 8e dragon, il n'était probablement que faux, et encore pas assez pour ne pas en avoir l'air, comme le voulait le vieux malin de Souvarov, qui s'y connaissait. Fût-ce ces terres-là qui commença son impopularité parmi ses camarades? Toujours est-il qu'il devint, en très peu de temps, la bête noire du régiment. Très fat, d'une beauté à laquelle j'aurais préféré, moi, bien des laideurs de ma connaissance, il ne semblait n'être en somme, comme disent soldatesquement les soldats, qu'un miroir à ce que tu viens de nommer, Rancenet, à propos de la Rosalba. Le major Ido avait 35 ans. Vous comprenez bien qu'avec cette beauté qui plaît à toutes les femmes, même aux plus fières, c'est leur infirmité. Le major Ido avait dû être horriblement gâté par elle et chamarré de tous les vices qu'elle donne. Mais il avait aussi, disait-on, ceux qu'elle ne donne pas et dont on ne se chamarre point. Certes, nous n'étions pas, comme tu le dirais, Rancenet, des capucins dans ce temps-là. Nous étions même d'assez mauvais sujets, joueurs, libertins, coureurs de filles, duellistes, ivrognes au besoin, et mangeurs d'argent, sous toutes les espèces. Nous n'avions guère le droit d'être difficiles. Eh bien, tels que nous étions alors, ils passaient pour bien pire que nous. Nous, il y avait des choses, pas beaucoup, mais enfin, il y en avait bien une ou deux, dont si démons que nous fussions, nous n'aurions pas été capables. Mais lui, prétendait-on, il était capable de tout. Je n'étais pas dans le 8e dragon. Seulement, j'en connaissais tous les officiers. Il parlait de lui cruellement. Il l'accusait de servilité, avec les chefs et de basses ambitions. Il suspectait son caractère. Ils allèrent même jusqu'à le soupçonner d'espionnage. Et même il se battit courageusement deux fois pour ce soupçon entre-exprimé. Mais l'opinion n'en fut pas changée. Il est toujours resté sur cet homme une brume qu'il n'a pu dissiper. De même qu'il était brun et blond à la fois, ce qui est assez rare, il était aussi à la fois heureux au jeu et heureux en femme, ce qui n'est pas l'usage non plus. On lui faisait payer bien cher ces bonheurs-là, du reste. Ses doubles succès, ses airs à la Lauzin, la jalousie qu'inspirait sa beauté, car les hommes ont beau faire l'effort et les indifférents quand il s'agit de laideur, et répéter le mot consolant qu'ils ont inventé, qu'un homme est toujours assez beau quand il ne fait pas peur à son cheval. Ils sont entre eux aussi petitement et lâchement jaloux que les femmes entre elles. Tout cet ensemble d'avantages était l'explication sans doute de l'antipathie dont il était l'objet. Antipathie qui par haine affectait les formes du mépris, car le mépris outrage plus que la haine, et la haine le sait bien. Que deux fois ne l'ai-je pas entendu traiter comme le haut et le bas de la voix de dangereuse canaille, quoique s'il eût fallu prouver clairement qu'il en était une, on ne l'eût certainement pas pu. Et de fait, messieurs, encore au moment où je vous parle, il est incertain pour moi que le major Ido fût ce qu'on disait qu'il était. Mais tonnerre, ajouta Ménilgrand avec une énergie mêlée à une horreur étrange. Ce qu'on ne disait pas et ce qu'il a été un jour, je le sais, et cela me suffit. Cela nous suffit aussi probablement, dit gaiement Rançonnet. Mais sacrebleu, quel diable de rapport peut-il y avoir entre l'église où je t'ai vu entrer dimanche soir et ce damné major du 8e dragon, qui aurait pillé toutes les églises et toutes les cathédrales d'Espagne et de la chrétienté, pour faire des bijoux à sa coquine de femme, avec l'or et les pierres précieuses des saints sacrements. Reste donc dans le rang, Rançonnet, fit Ménil, comme s'il eût commandé un mouvement à son escadron. Et tiens-toi tranquille, tu seras donc toujours la même tête chaude, et partout impatient comme devant l'ennemi. Laisse-moi manœuvrer, comme je l'entends, mon histoire. Eh bien, marche, fit le bouillant capitaine, qui, pour se calmer, lampa un verre de Picardan. Et Ménilgrand reprit. Il est bien probable que sans cette femme qui le suivait, et qu'on appelait sa femme, quoiqu'elle ne fût que sa maîtresse, et qu'elle ne portât pas son nom, le major Ido eût peu frayé avec les officiers du 8e dragon. Mais cette femme, qu'on supposait tout ce qu'elle était pour s'être agrafée à un pareil homme, empêcha qu'on ne fît autour du major le désert qu'on aurait fait sans elle. J'ai vu cela dans les régiments. Un homme y tombe en suspicion ou en discrédit. On n'a plus avec lui que de stricts rapports de service. On ne camarade plus. On n'a plus pour lui de poignée de main. Au café même, ce caravansérail d'officiers, dans l'atmosphère chaude et familière du café, où toutes les froideurs se fondent, on reste à distance, contraint et poli, jusqu'à ce qu'on ne le soit plus et qu'on éclate, s'il vient le moment d'éclater. Vraisemblablement, c'est ce qui serait arrivé au major. Mais une femme, c'est l'aimant du diable. Ceux qui ne l'auraient pas vu pour lui, le virent pour elle. Qui n'aurait pas, au café, offert un verre de snick au major dédoublé de sa femme, le lui offrait en pensant à sa moitié, en calculant que c'était là un moyen d'être invité chez lui, où il serait possible de la rencontrer. Il y a une proposition d'arithmétique morale, écrite avant qu'elle ne le fût par un philosophe sur du papier, dans la poitrine de tous les hommes, comme un encouragement du démon. C'est qu'il y a plus loin d'une femme à son premier amant que de son premier au dixième. Et c'était à ce qu'il semblait plus vrai avec la femme du major qu'avec personne. Puisqu'elle s'était donnée à lui, elle pouvait bien se donner à un autre, et ma foi, tout le monde pouvait être cet autre-là. En un temps fort court, au 8e dragon, on sut combien il y avait peu d'audace dans cette espérance. Pour tous ceux qui ont le flair de la femme, et qui en respirent la vraie odeur à travers tous les voiles blancs et parfumés de vertu dans lesquels elle s'entortille, la Rosalba fut reconnue tout de suite pour la plus corrompue des femmes corrompues, dans le mal une perfection. Et je ne la calomnie point, n'est-ce pas, Rançonnet ? Tu l'as eue peut-être, et si tu l'as eue, tu sais maintenant s'il fut jamais une plus brillante, une plus fascinante cristallisation de tous les vices. Où le major l'avait-il prise ? D'où sortait-elle ? Elle était si jeune. On n'osa pas tout d'abord se le demander. Mais ce ne fut pas long, l'hésitation. L'incendie, car elle n'incendia pas que le 8e dragon, mais mon régiment de hussards à moi. Mais aussi, tu t'en souviens, Rançonnet, tous les états-majors du corps d'expédition dont nous faisions partie. L'incendie qu'elle alluma prit très vite d'étranges proportions. Nous avions vu bien des femmes maîtresses d'officiers, et suivant les régiments, quand les officiers pouvaient se payer le luxe d'une femme dans leur bagage, les colonels fermaient les yeux sur cet abus, et quelquefois se le permettaient. Mais deux femmes à la façon de cette Rosalba, nous n'en avions pas même l'idée. Nous étions accoutumés à de très belles filles, si vous voulez, mais presque toujours du même type, décidées, hardies, presque masculines, presque effrontées. Le plus souvent de belles brunes, plus ou moins passionnées, qui ressemblaient à de jeunes garçons, très piquantes et très voluptueuses sous l'uniforme, que la fantaisie de leurs amants leur faisait porter quelquefois. Si les femmes d'officiers, légitimes et honnêtes, se reconnaissent des autres femmes par quelque chose de particulier, commun à elles toutes, et qui tient au milieu militaire dans lequel elles vivent, ce quelque chose-là est bien autrement marqué dans les maîtresses. Mais la Rosalba du major Ido n'avait rien de semblable aux aventurières de troupes et aux suiveuses de régiments dont nous avions l'habitude. Au premier abord, c'était une grande fille pâle, mais qui ne restait pas longtemps pâle, comme vous allez voir, avec une forêt de cheveux blonds, voilà tout. Il n'y avait pas de quoi s'écrier. Sa blancheur de teint n'était pas plus blanche que celle de toutes les femmes, à qui un sang frais et sain passe sous la peau. Ses cheveux blonds n'étaient pas de ce blond étincelant, qui a les fulgurances métalliques de l'or, ou les teintes molles et endormies de l'ambre gris, que j'ai vu à quelques Suédoises. Elle avait le visage classique, qu'on appelle un visage de camé, mais qui ne différait par aucun signe particulier de cette sorte de visage, si impatientant pour les âmes passionnées, avec son invariable correction et son unité. Au prendre ou laisser, c'était certainement ce qu'on peut appeler une belle fille, dans l'ensemble de sa personne. Mais les filtres qu'elle faisait boire n'étaient point dans sa beauté. Ils étaient ailleurs. Ils étaient où vous ne devineriez jamais qu'ils fussent, dans ce monstre d'impudicité qui osait s'appeler Rosalba, qui osait porter ce nom immaculé de Rosalba, qu'il ne faudrait donner qu'à l'innocence, et qui, non contente d'être la Rosalba, la rose et blanche, s'appelait encore la pudique, la pudica par-dessus le marché. Virgile aussi s'appelait le pudique, et il a écrit le Coridon, Ardebat Alexime, insinua Reniant, qui n'avait pas oublié son latin. Et ce n'était pas une ironie, continua Ménilgrand, que ce surnom de Rosalba, qui ne fut point inventé par nous, mais que nous l'eûmes dès le premier jour sur son front, où la nature l'avait écrit avec toutes les roses de sa création. La Rosalba n'était pas seulement une fille de l'air le plus étonnamment pudique, pour ce qu'elle était. C'était positivement la pudeur elle-même. Elle eût été pure comme les vierges du ciel, qui rougissent peut-être sous le regard des anges, qu'elle n'eût pas été plus la pudeur. Qui donc a dit « ce doit être un Anglais, que ce monde est l'œuvre du diable devenu fou » C'était sûrement ce diable-là qui, dans un accès de folie, avait créé la Rosalba pour se faire plaisir, du diable de fricasser l'une après l'autre la volupté dans la pudeur, et la pudeur dans la volupté, et de pimenter avec un condiment céleste le ragoût infernal des jouissances qu'une femme puisse donner à des hommes mortels. La pudeur de Rosalba n'était pas une simple physionomie, laquelle, par exemple, aurait celle-là renversé de fond en comble le système de Lavater. Non, chez elle, la pudeur n'était pas le dessus du panier. Elle était aussi bien le dessous que le dessus de la femme, et elle frissonnait et palpitait en elle autant dans le sang qu'à la peau. Ce n'était pas non plus une hypocrisie. Jamais le vice de Rosalba ne rendit cet hommage, pas plus qu'un autre à la vertu. C'était réellement une vérité. La Rosalba était pudique comme elle était voluptueuse, et le plus extraordinaire, c'est qu'elle l'était en même temps. Quand elle disait ou faisait les choses les plus osées, elle avait d'adorables manières de dire « j'ai honte », que j'entends encore. Phénomène inouï, on était toujours au début avec elle, même après le dénouement. Elle fut sortie d'une orgie de Bacchante comme l'innocence de son premier péché. Jusque dans la femme vaincue, pâmée, à demi-morte, on retrouvait la Vierge confuse, avec la grâce toujours fraîche de ses troubles et le charme auroral de ses rougeurs. Jamais je ne pourrais vous faire comprendre les raffolements que ces contrastes vous mettaient au cœur. Le langage périrait à exprimer cela.